Sénégal ak monsieur Thierno Diop di président APE bu région de Louga ak Fatou Diop di élève en terminale L2 lycée Malick Sall ak Léon Mané élève en TL2 nouveau lycée bu Louga ak Bamba Fall bi nga xamné mom mo fi togal Kossi Deb tay nak ñi ngi am mbecté di waxtané li nga xamné wolof di wax lu ay di njambat crise scolaire bi manam njang mi nga xamné tay bari won ay jafé jafé ba tay ñu nek ci tambali wat ko di am yaakar loolu lañ bëgg fasiyene faram faacce tay motax ñu dalal kilifa yi ci njalbeen duñ def lu dul jox kaddu gi ya Lamine Sarr mu nuyo ak mbokk auditeur yi jërëjëf ñu ngi nuyu donc seen auditeur yu Walf FM di wax de émission bi bëggoon nañ ko bu yagg waaye comme dañu am ay kilifa te ci crise bi waxaguñ woon donc mënuñu woon a jàkkaarloog nit ñëpp wax leen loo xam ne lii mooy li officiel waaye bi yàlla dogalee ci fan yële ministre bi génn liñ doon séntu mu wax ko mu leer ne crise bi lu muy metti metti metti bu soobee yàlla li ñuy wax année blanche du am jël ay mesures yoo xam ne yi moom lañ yaakaar ne buñ ko taxawalee kenn du ci loru donc buñ ñu ooyee ci ñu waxtaan ci danañ ci sawar lool loolu daal moo tax vraiment bi nga bi ñu ne émission bi dañ ko bëgg a consacré crise bi ak mesures yi nga xam ne moom lañ jël ak naka lañ war a terminer année bi ma ne daal occasion la pour ñun wax dëgg yàlla ñu waxtaan ci bu baax ak population yi. Jërëjëf monsieur l' inspecteur xëy na dinañ dellu si tuuti si gannaaw bala ñoo dugg si xolu waxtaan bi ndax daanañ faral di wax suñu mbokk auditeurs yi au cœur de l' éducation émission la boo xam ne IA moom moo ko instauré woon ñu ci dalal ay jàngalekat ay acteurs yu yëngu si mbiru jàng mi pour lépp leer si acteurs yi. Booba tamit bindoon nga benn keyit xaatim ko boole ñoo ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu si jàngale pour bu leen seetee ñu man ñoo yombalal seen ñëw loolu tamit dan lay firndeel dan lay seedeel ne diiru bi ñu dalee émission bi daaw ba léegi képp kuñ ci soxla muy inspecteur muy jàngalekat parent d'élève ak acteurs yi wax dëgg yàlla yombal nañ ñu liggéey bi loolu aussi baaxoon na pour ñu seede ko. Léegi bu ñu dellusiwaatee monsieur Sarr dinañ gis ne ren njàng mi am na ay yëngu-yëngu toog nan lu mat ay ñeenti weer ba juróom jànguñu ci Sénégal gépp léegi ñu bëgg a xam fii ci Louga tey boo toogee xayma ci région de Louga nan nga ñu mën a faram fàcceel yëngu-yëngu yi fan la am ci yan liise la ci yan gox la bu ci nekk nan la fa crise ba tëddee. Jërëjëf loolu yaakaar naa ne dinaa ci mën a wax te sukkandiku ci fu leer pour mun ko def ndax bi ñu dellusee ci vacance Pâques yi laa jël benn këyit yónnee ko képp ku chef d' établissement muy collège muy lycée ci région de Louga ne ko nag ma tontu ci ñetti question yi au moins kantam orem bi fan lañ ci toll ci sa école programme bi fan la ci professeur yi toll ci exécution beneen question bi mooy li ñuy wax évaluation mooy natt yi ñuy natt xale yi muy devoir muy composition aussi foofu fan ngeen ci toll wëlbatiku laaj leen ne su fekkente ni solution am na yow en tant que chef d' établissement xam li xew ci sa école lan nga may proposé loo xam ne lii bu ma jàkkoo ak kilifa yi mun naa wax ne ci école sàngam bii de lii lañ fa bëgg bi yàlla dogalee donc ma jot daanaka réponse yi nga xam ne moom la chef d' établissement yi yëpp yónnee si mun naa ne fii ci région de Louga boo jëlee collège yi nga xam ne ñoo jógee 6e ba 3e li ci ëpp téeméer boo ci jël mun nañ ne juróom ñeent fukki ak juróom fonctionné nañ normalement xëy na am na ay grève perlé yu ci am mais du ay grève yoo xam ne wax dëgg yàlla mun na fak affecté sérieusement fonctionnement école ñaar ba ñett ñoo ma tontu ne ma carrément bu fekkente ni dañoo war a dem BFM brevet ci école enseignement moyen boudé daño wara dem brevet il faut ñun ñu jàngalé pratiquement ba fin août mais ñi ci dess yépp pour la plupart dañ mané buñ jàngalé ba fin juillet buñ waré def examen ñun paré nañ pour dem ci examen yi buñ jàngalé aussi ba fin juillet élèves yi nga xamné daño wara passer en classe supérieure en tout cas buñ defout 100% ci sen programme au moins dinañ mëna def 95%. Donc pour dire que pour enseignement moyen wax deug yalla région bi affecté wul trop mais du lolo nak mo am ci lycée parce que grève bi bo setlo dafa melni ci juroom ñetti lycée yi nga xamne mo am ci région bi ay jafé jafé am nañ ci mais nak jafé jafé yi yemuñ ci lycée yépp bo jélé lycée bu malni bu kébémer proviseur bi dafa né ñom déjà paré won nañ pour dem aux examens de juillet lycée Géoul bi aussi lolou le proviseur bi wax même préciser léne amul benn lycée nak bo xamné di def nañ composition premier semestre du ci benn lycée nga jël lycée bu melni lycée Malick Sall fofu amna ay yëngu yëngu mais bo sété ci bir lycée bi proviseur bi xamna dina ci déllu ci wat du lo xamné dafa uniforme nga jël fu melni Linguère lycée bobu moy suma problème actuellement parce que li tax moy depuis mois de février élève lycée bi ño dem en grève né tant que benn professeur yépp jàngalé suñ ñom duñ jàngi et malgré la reprise batay ji ni may wax ak yeen mom moy seul établissement de la région bo xamné amul reprise effective nga jël lycée bu melni bu dara ci rapport bi mo jot dafa am ay discipline yo xamné mu melni philosophie danaka demuñ ci fenn nga jël lycée bu melni Darou Mousti même bu féké ni amna ay cours yuñ doon def defuñu composition def nañ ay devoir mais dañu def rétention de note buñ ko joxé élèves yi tam joxuñ ko administration pour ñu mëna ki amna aussi ay professeurs yo xamné dañu baña composer donc c'est dire encore une fois que globalement bu féké ni damay def synthèse bi moy collège jafé jafé bi démé wul non mais quand même ci lycée yi war nañu gorgorlu encore une fois pour être au rendez-vous suma né war nañu gorgorlu pour être au rendez-vous dama koy wër ci fu lèr ndax yalla dafa dogal région de Louga nek région bo xamné de tradition d'excellence lañ fi xam buma jëlé lycée bu melni lycée Malick Sall je touche du bois hein mais encore sur plus de 15 ans buñuy def classement lycée yi ci walu résultat machallah mosuñu mëna genn ci les 10 premiers du Sénégal nga jël Darou Mousti en tout cas ci lima xamagum depuis que je suis là amagul ben yon bo xamné amnañ des résultats inférieurs à 75% au bac la même chose nga mëna wax donc ci lycée Kevemer etc etc globalement buñu sété dal l'ensemble de nos lycées toujours moyenne biñuy am ci baccalauréat pratiquement day ëpp moyenne nationale ci lycée bo ci munti jël donc région bu mel non bu fa amé yëngu yëngu bo xamné ki da fay jaaxal autorité parce que bo xamé ludul tradition d'excellence bu amé yëngu yëngu yu mel non di nga jaaxlé mais am nañ yaakaar né ci seen xarala véritablement dinañ mëna trouver solution jërëjëf monsieur l'inspecteur xana ma wëlbeut ku rek si monsieur Makodou Gueye mi nga xamné mom mo jité ñi nga xamné ñom ñoo yilif école yi ci fi ci Sénégal kon monsieur Mokko du leen la bëgg laaj moy yëngu yëngu yi jafé jafé yi nga xamné amna ren yeen ci seen kurel gogou yeen yi nga xamné yeen ay jité école yi naka ngeen jàngaté loolu ci kaw ndax yow ya jité ñooñu ci Sénégal bala ñoo ñëw ci Louga donc dans un premier temps ma ngi remercier les auditeurs de Wal Fadjiri bon li aussi chance la pour ñun pour ñu wax ak askan bi ñu wax aussi appareils yi, ñu wax aussi les élèves. Il faut dire que ñun si suñu bop bi école tidjé lañu def réunion ni année 2012 bi année le bu graw graw na parce que acteur yi sekk école parce que école ñent ñoko sekk état professeur APE plus les élèves donc ñent yoy ñom ñoko sekk maintenant ñent ñoñu ben élément rek mom lañu d'accord c'est de bons résultats scolaires c'est que xalé yi ñuy ngemb xalé yoyu dal di réussir accord bi fofu rek la nek les idées yeb ce sont des conflits donc lolu biñ ko waxé ñu bi crise bi lalo touti doga am man ak doyen def nañu ay djégu yu bari def nañu ay lettres de rappel def nañu dal beaucoup d'initiatives en fin de compte def nañu affaire yu bari bari dal pour que état bi xamni fiñu jëm dafa dangereux donc ñun suñu école yi suñu classe yi dem nañu ci classe bu nek wax leen ni année bi at la bo xamni dafa doy war liko lal nak moy les élections bon biñu wessé wesso itam fofu ay yenen réunion amna ci suñu biir pour proposer disons au syndicat ñu daldi wañi pour que ñu daldi déllu gannaaw il faut dire que APE ak ñun lolu ñosi and waaw bi grève bi taré mais xamoon nañu aussi que affaire bi solution bala muy mëna feñ rek élection yi jeex que li am maintenant ñun suñu ambition moy ministre bi limu wax liya limu wax itam ñu daldi dem ak mom ba jeex dem ak mom ba jeex moy ñu daldi koy jappalé parce que jappalé ko moy jappalé ñu en fait mettre en place ñu tek ci école bu nek ay stratégie ay moyens pour que suñu xalé suñu élève yi daldi réussir mais pour ñun collectif des chefs d'établissement am nañu prise de conscience bo xamni ci affaire bi prise de conscience bu graw et likoy firné moy yegon nañu crise bi nan lay ñëwé donc likay firné aussi moy taux bi nga xamni dafa faible dans les SEM parce que liya légui la ko wax SEM yi pratiquement crise bi jappu len tellement lycée yi mom la gëna japp lycée yi tam dañu dox suñu tank tuba yi séti len ko am ay jafé ñu gis la ni la so défé ni parce que je le répète occasion bi mom lay jël aussi pour wax ko chef d'établissement bu nek mi ngi melna entraîneur équipe entraîneur la élève yi suñu entraîné wul résultat yi du mëna bax donc chef d'établissement bu nek na simbi costume am cravate am tout sol yéré entraîneur dugg ci terrain bi mom ak élève yi ak professeur yi ñu and ak ñom def de telle sorte que résultat yi ñew jërëjëf monsieur Gueye damay ñew rek ci doyen Thierno Diop mi nga xamné mom mo jité association des parents d'élèves bu région bu Louga doyen yeen ban taxaway ngeen am ndax ku wax mbiru njang mi wax élève yi te élève yi yeen leen jur yeen leen yir yeen défendre sen ay intérêt yeen naka ngeen dundé conflit bobu ak lan moy sen gis gis ci liñuy def pour wut ay safara jërëjëf ma ngi lay nuyu di la gërëm ci turu wajuru élève yu nekk bi région Louga yépp di wax ne ñun ci début ba lañu jog taxaway bo xamni wi umpul kenn ndax képp koo xam ne autorité nga fépp foo xam ne war nañ faa yóbbu lettre dañu koo def te defuñu ko ñun dong dañu doon wax ak Lamine Sarr en tant que inspecteur d'académie ànd ak Makoldu Gueye bi nga xam te ne si du caagin dafay proviseur lycée Marissal dong waaye dafay président wu collectif des chefs d'établissement de tout le Sénégal lycée ak collège ñu ànd ak moom di bind ay lettre di attirer attention wu autorité yi ci li nga xamante ne si école bi bu baaxul mën la ko jur ak suñu doom yi seen jàqare parents yi la ñu topp ko dajanañ ceeg ay yoon seen syndicat QSEMS dajé nañ ci ay yoon yoon ak élève yi ba yalla baxna ya waxna ko légui bu ñu sété digënté département Louga ak département Kébemer ay la yéwen situation bi décanté wu na bu baaxa baaxa baax ñi ngi jang bu baaxa baax ta am nañ ci yaakar ba ñëwoon na cherche Lamine Sarr iya wax ko ne ko dañu bëgg nga abal ñu auto ñu dem Linguère parce que bu fekkante région bi day benn liggéeyu Linguère bu baaxul mën na yàq liggéeyu reste région bi démb suba dama woo président parandele bu Linguère Mortel Ndiaye woo Samba Diop président parandele wu Kébemer mu ne ma Kébemer la situation s'est stabilisée à la satisfaction de tous les parents mu des Mortel Ndiaye bu Linguère ma woo ko mu ne ma ngoon na ma rappelé ci ngoon ma woo ko woo monsieur Mar son secrétaire général ñu xamal ma ne ma situation bi metti woon na waaye tey ci tey def nañu réunion parandelu assemblée générale préfet daje naag élèves yi ba situation bi fii ñu toll altene bu ñu xëyee 8 heures képp kuy élève département Linguère da nga xëy jàngi kooku bii ci gudd lañ ma ko wax jotuma ko woon sax wax iyaa waaye am nañ yaakaar ne mission bi ñu waroon def Linguère sax boo tuul danañ ko bàyyi ndax wax dëgg yàlla am nañu assurance yoo xam ne yi satisfaction wu ñëpp la et may profité aussi di gërëm inspecteur académie ndax wax dëgg yàlla réussite école dafa nekk crédom mu taxaw ci di associé képp koo xam ne qui tu es un partenaire de l' école ma ko duggee métam wax dëgg yàlla lycée am nay problème waaye noppiwul guddi noppiwul bëccëg fu mu amee problème daf may téléphoné doyen ya telle chose ma taal sama oto dem lycée ñu toog waxtaane ko buñ waree rencontré prof ñu def ko buñ waree rencontré élève ñu def ko buñ waree dem seeti gouverneur def ko buñ waree dem seeti IA def ko ba tax na wax dëgg yàlla satisfaction laa ci am may ñaan parent d'élève yi nit amul lu dul doomam dañuy wax ne nit bu sañoon kenn du la gën waaye ku sañoon sa doom gën la jàppale ma ci tool yi wala jàppale ma ci nangam dafa taxawul ndax ku sañoon sa doom ñetti weer mu bañ laa jàppale ci tool yi te ëllëg mu nekk cadre boo xam ne bii daf lay mën a soutenir mën a soutenir toute sa famille kon boog loolu maa ngi ciy woo ñëpp di ci ñaax ñëpp di wax ne comme ministre bi ak autorité académique yi taxaw nañu pour sauver année bi professeurs yi taxaw nañu danañ def 2 sessions il faut ñëpp taxaw ci ba nga xam dinañ si daal dafay nekk année boo xam ne bi dafay réussir lu ëpp sax année yi ni daan réussiré. Merci jërëjëf doyen ma wëlbatiku rek ci Bamba Fall mi nga xam ne moom moo fi toogal COSIDEP COSIDEP ñu gis ne partenaire la boo xam ne mi ngi yëngatu bu baax ci mbirum njàng mi fii ci Sénégal di ci dugal loxoom bu baax ci seet ay saafara ci jafe-jafe yi yéen tey lan mooy seen gis-gis ci njàng mi. Jërëjëf Bayko Defay ñu ngi rafetlu trop waxtaan wi di nuyu waa population Louga di nuyu mbokk auditeur Wolfa Diri di nuyu parent d'élève yëpp di nuyu képp koo xam ne jàngalekat nga di nuyu également élèves yi nga xam ne moom moo ñu tax a toog fii tey comme ni nga ko waxee COSIDEP dafa nekk organisation boo xam ne dafa ëmb ñu bari li ñuy wax syndicat mu ngi ci biir li ñuy wax ONG mu ngi ci biir li ñuy wax organisation de la société civile ñëpp a ngi ci biir ñun nag suñu activité yëpp dañ ko centré ci xale bi maanaam li suñu bëgg-bëgg mooy xale bi nekk ci école ba donc weer yi yëpp bi ñu gisee ne xale yi nekkatuñu woon ci école bi amoon nañ jafe-jafe trop moo tax tooguñu nelawuñu guddi neluñu bëccëg donc bi ñu toogee barki démb wala barkaat démb ñu dégg ne professeurs yi revenir nañ à de meilleurs sentiments ñu delluwaat ci école bi élèves yi am ñoo xam ne delluwaat nañ ci école bi vraiment ñu ngi ñaax ñi nga xam ne ne ñoo des ci professeurs yi ak ci élèves yi comme ni ko ñi ma jiitu waxee ñu dellu ci école bi ndax ñun COSIDEP dañoo jàpp ne xale ak jàngalekat seen place mooy ci école ba amuñu feneen place pour ci école ba tant que yaa ngi jàngale école bi mooy sa place tant que naa ngi nekk élève école bi mooy sa place looloo tax COSIDEP toogul guddi toogul bëccëg mi ngi rencontré syndicat yi mi ngi rencontré parent d'élève yi mi ngi rencontré autorité yi nga xam ne ñoo ngonk école bi ñu ngi également dajee ak élèves yi pour waxtaan ak ñoom di leen ñaax toujours pour di loolu loolu daal vraiment mooy taxawaayu COSIDEP tey ëllëg vraiment ñu ngi sant di gërëm également autorité yi nga xam ne ni neluñ bëccëg vraiment seen temps yëpp ñu ngi utiliser pour que école bi delluwaat fi mu nekkoon loolu la COSIDEP taxaw tey moom la taxaw ëllëg di ñaax parent d'élève ak élèves yi ak professeurs yi képp koo xam ne am nga loo jàpp nga ba ko teg ko ci suuf te xam ne ne intérêt Sénégal moo ñu tax taxaw. jërëjëf Sëñ Bamba, ñu wëlbatiku ci Léon Mané nga xamné mom élève la, mi ngi nekk nouveau lycée bu Louga. Tay ya fi togal sa moromu élève yi, lu ñi ñagaté yene ñak, ndax bu ñuy wax école bi ñang mi yeen la soxal, bu ñuy wax examen yi composition yi yeen la, yeen nan ngeen dundé grève bi ak tay lan moy seen gis gis ci fum tollu nga xamné ñi ngi wut ay safara. Bon, gannaaw bi ma nuyé ñi fi tok, nuyu suñuy responsable yi ñu fi yabal, nuyu sama morom élève yi, nuyu mbokk auditeur yi ñuy déglu. Bon, ñun fi ñu tollu nii, ñun waa nouveau lycée, grève bi laaluñu trop, parce que QCEMS bi nga xamante si nii moom mooy ndayi mbind gi, ñoom ils sont minoritairement représentés suñu école, moo tax ñun crise bi dunduñu ko trop. Di wax ni rek ñun élève nouveau lycée yi, examen bu amee, waaw ñun pare nañ. Paré nañ pour dem ci examen yi, mais malgré que paré nañ, n'empêche que amoon na ay quelques décadences quoi, ak am na élèves yoo xamante si nii xam nga dangay waar, ñëpp bokkuñu état d'esprit. Am na élèves yoo xamante si nii dañoo jàppoon ni année blanche dafa war a mën a am, ba tax na ñoom bi seen morom yi nekkee ci classe yi di jàng, ñoom dañoo toogoon seen kër. Élèves yooyu noonu toog seen kër, maa ngi leen di ñaax ñu dellu si waat, ñu dugg ci classe yi, ñu jàng comme seen morom yi, parce que ñun ay élève lañ, amuñu lu dul jàng. Ñun ñooy avenir réew mi, dañoo war a jàng ngir mën a tax ëllëg suñu réew mën a jëm kanam. Bon, loolu laa amoon lu may wax pour l'instant. Jërëjëf Léon. Kon Fatou Diop, yow yaa fi toogal élève wu nekk lycée Malick Sall. Yéen Léon nee na ñoom crise bi laalu leen, waaye yéen bokk ngeen si grève bi, nan ngeen dundee loolu ak tey lan ngay wax sa moromu élève yi? Ok, merci beaucoup monsieur Faye. Ginnaaw bi ma nuyoo ñëpp, maa ngi sant yàlla di sant ñëpp. Li may wax moo di que lycée Malick Sall fii nii bu Louga, mën naa wax ne ci lycée yi gën a perturbé wu ci Sénégal ci la bokk. Élèves yi manifesté wu nañ, professeurs yi grève nañ, dem nañ à grève en grève à peu près 5 mois, toog nañ juróomi weer, mat na ko jànguñu. Léegi profi aussi ñëw nañ ci classe yi, instant yi retourné wu nañ, ñi ngi jàng normalement mais teewul. Bac bi bu fekkee ne juillet lañ ko nar a def pour lycée Malick Sall, yaakaar naa ne du mën a nekk. On est en retard nag, loolu am na, mais suñu ay professeurs on a confiance en eux et xam nañ ne tôt ou tard programme bi dinañ ko àggali. Bac bi que ça soit en août, septembre wala octobre dinañ ko mën a def incha allah, mais jusqu' en juillet moom je crois pas que ça sera pas possible. Leen nag laay wax élèves yi comme ni ko Léon waxee, nañ ñëwaat même si Malick Sall ñi ngi jàng, élèves man gis naa ne ñu bëri ñëw si nañ, mais ñi des aussi nañ ñëw parce que jàng dañ ko war a def. Moom kase lañ am, xamuñu leneen. Un élève on l'élève, on est élevé donc on vient travailler, loolu rek laa amoon. Jërëjëf Fatou. Damay dellu si waat ci monsieur Lamine Sarr di IA bu Louga. Kon monsieur Lia, barki démb bi léegi crise bi metti na, nit ñi dund nañ ko alhamdulilah, gis nañ ne tey saafara am na, professeur yi liñ jàppoon teg nañ ko si suuf, delluwaat sa classe ya, élèves yi ñëw ñëpp doon toog am ay jeexi jaaxa, ñu ne il faut ministre bi wax. Ministre bi ŋànk mbirum njàngale mi yëkkati na ay kàddu, wax na ne année bi du blanche, maanaam dinañ jàng ni mu waree. Am na lu mu wax, génnee këyit ñu bëggoon tey nga ñëwal ñu suñu mbokk auditeurs yi faram fàcceel ñu génnu ministre bi ak décision yi ci lalu yépp. Merci beaucoup. Kooku aussi dinañ ci sawar parce que yaakaar naa aspect communicationnel lu am solo la, nit ñi am les bonnes informations aussi lu ci am solo la. Ministre bi bi mu defee communication ci rajo yi télévision yi wane ne année bi du blanche, dafa wëdwëde ku yónnee ñu circulaire, lettre circulaire boo xam ne mu ngi ko jox inspecteur d' académie, inspecteur départementaux yi, proviseur de lycée yi ak principaux de collège. Multiplié naa ko, kenn ku nekk dina ko jox. Mu dellu si waat ci lu war a tolloog juróom-ñetti poñ. Poñ bu njëkk bi mooy njàng la mi ak jàng bi dafay continuer ba fin juillet. Examen bu mel ni CFE mooy certificat d'étude bu élémentaire, comme grève bi laaluloon lool école élémentaire yi, mu ne dinañ ko décalé d'une semaine. 21-22 juin la waroon a doon, léegi 28-29 juin lañ koy def. moy deuxième mesure. Troisième mesure bi mu ne les examens du BFM, examen BFM yi ñu ngi koy nara def ci ñaari session. Première session bi ñu ngi koy def ci première quinzaine bu mois d'août. Deuxième session bi ñu koy def ci première quinzaine du mois de novembre. Fofu bima dajé ak parents d'élèves yi dembu poser nañ ma une question extrêmement pertinente. Naka la deux sessions yoy di démé? Fekk na effectivement biñ joté li aussi ñun am nañ coordonnateur des inspecteurs d'académie. Man saisir nako né ko dama bëggoon nga laaj secrétaire général ñu préciser ñu lan lañ dégg ci ñaari session yi. Demb au téléphone la mané ñaari session yi c'est ouvert à tout le monde comme ni muy démé à l'université. Donc une première session c'est ouvert à tout le monde. Ku ci amul chance tu pourras faire la deuxième session au mois de novembre avec des cours de renforcement qui yoy ci mesure yi bok yo xamné dina ci ñew. Donc lolu précision la won. En tout cas ci information bi ma jox lolu la wax. Benen mesure bi nga xamné moy jël nañ ko baccalauréat enseignement supérieur moko yoré office du bac mokoy gérer. Donc ñun ay partenaire lañ ci ñoko xex peut-être ñoy def organisation matérielle ñoy joxe professeur yi corriger ñoy joxe surveillance mais décision yi nga xamné mo concerner soit des sujets yenen yépp bu mëna dugg ci biir détail office du bac moko yéré. Donc fim nek ni ñom ñaari ministère yi ñu ngi lekkelo pour waxtan ci mais li ñuy jital ci waxtan yi moy intérêt élève. Lolu je crois que mën nañ ko préciser de sorte que am nañ yakar né résultat bi génn ci waxtan woo résultat bu amal ndëriñ élève sen intérêt en tout cas dinañ ko soralé. Benen mesure bi nga xamné mom lañ ko jël moy ñi deful examen aussi daño wara am jall classe supérieure té lolu ci ay composition lañ ko dënd su fekkenté ni situation école bi mayena ay composition ñu mën ko def dinañ ko def su mayé aussi ñu def ay devoir yo xamné yi mom lañuy totaliser pour mën ci set moyenne ki mais donc c'est selon les cas mais suma jëlé enseignement moyen fi au niveau de la région de Louga je sais que près de 90% des collèges composé nañ ba seen résultat yu ci bari sax académique jot na ci mais lycée yi je crois que buñ programmé wul ku melni lycée de Louga je crois que le 10 lañ programmé à partir du 10 hein suñ programmé wul certainement bientôt ñu programmé hein. Ensuite mois de août donc mom moy donne mois de vacances. C'est vrai que ci la examen yi am mais ñi nga xamné amuñ examen mois d'août yépp c'est mois de vacances. Ñi nga xamné perturbé wuñu aussi mais bien sûr renforcement yi nga xamné mom lañ prévoir au mois de septembre concerné wulen. Ils seront toujours en vacances comme les vacances normales. N'est-ce pas? École mu ngi ubbi ci date biñ prévoir won mu ubbi ci mois d'octobre. Wéru octobre bobu ci lañuy def orientation yi en classe de seconde, orientation yi en classe de 6e. Ci lañuy def inscription yi, ci lañuy poursuivre aussi les cours de renforcement. Yi nga xamné mom lañuy défal ñi wara jëm deuxième session. Mais ci le cours yi wara commencer aussi. Parce que gis ngeen ni ñuy défé rentrée bi, bon une rentrée administrative, une rentrée des élèves, normalement aussitôt après cours yi dafa wara démarrer. Dinaay am temps de flottement. Mais encore une fois cours yi dafa wara démarrer normalement continuer ci mois d'octobre hein deuxième donc première quinzaine ou mois de novembre ci lañuy def deuxième session BFM. Benen mesure bi nga xamné donc jël nañ ko waxalé nako moy mois de septembre bi nga xamné mois de consolidation et de renforcement lay donne des enseignements apprentissage pour établissements yi nga xamné réellement dañ leena perturber. Donc mesure yi donc djourom ñettelu mesure moy ouverture bi la rentrée scolaire à date issue moy niñ ko jappé won ci calendrier donc pour année découpage année bi mois d'octobre début du mois d'octobre donc la école di ubi hein inscription yi orientation yi etc période bobu différentes écoles yi ben mëna accueillir nit ñi ci période bobu d'octobre lañ ko ki digënté octobre ak examen novembre en tout cas cours yi continue yoy donc moy mesure yi nga xamné ministre bi jël nako ba paré nak mu tek ci né yi mesure ma jël inspecteur d'académie la chargé ñu appliquer ko sur le terrain donc sas bu reuy lañu am ñun mu waral donc ñu mëna am ay plan d'action yo xamné dinañu permettre ñu mëna waxtaan am adhésion ñëpp autour de ça sauvegarder intérêt élève yi bé nga xamné véritablement mën nañu am ay résultats yu kowé suñu ndort en tout cas lolu mom ñu ngi élaborer nañu son plan d'action peut-être bo défé benen tour de table dina ci dugg ci xeyna bala ñu la bayyi wat fi rek monsieur l'inspecteur juroom ñatti poñ yi nga xamné ministre bi génné nako daf cey am ay point yo xamné da fay indi ay jéxi jaaxa ci bop élève yi yenn wajur yi déglu mo taxone mo bëggoon nga ñëwaat ci touti wax nga ko légui ci né bëfem bi ñi dañ doon wax né dafa am ñaari session ndax ñi dañuy tann box bi wala dañuy tann box B wala dañuy tann ci ñaar yépp ñi dañuy ñëw def ci bi buñ amul def ci B bobu nga ñëwaatal ci suñu mbokk auditeur yi ak élève yi déglu ba mu leer bu baax seen mbokk waaw bobu la né c'est une question extrêmement importante parce que ñi ma interpeller yépp après la sortie du ministre même chef d'établissement yu nek fi or nañ ma pour lolu néma bé il faut qu'on comprenne ñaari session yi pour kan la ñaari session yi naka lay démé parents d'élèves yi bima len recevoir yakarna aussi question importante biñ ma poser mané len may len ma am élément de réponse bi parce que niñ ko libellé ni mën nga ko baña xam parce que ni la ko lire non la ko traduire am nañ coordination ñun am nañ lo xamné li mom lañ bëggé won mu démé ni xaaral ma laaj ba xam ndax fekk si nañ ñu ci loolom dét mais encore une fois réponse bi ma jox moy xam nga xalé yi dañ doon am inquiétude nan diplôme bi am ci deuxième session diplôme au rabais la pour ñi won len né c'est pas un diplôme au rabais parce que amna yenen disposition yo xamné aussi jël nañ ko pour pré-inscription yek orientation à l'université yoyu ba du len léser parce que néna encore une fois mesure yi ñuy jël yépp liñ ci jital moy intérêt élève motax résultat bi nga xamné mom la ma sama collègue bi Saint-Louis di suñu coordonnateur wax moy les deux sessions sont ouvertes à tout le monde donc mën nga def juillet échouer defat septembre defat novembre pardon donc lool bobu ki réponse dal lama jox bobu information la jëlé ci mom bobu lérna légui mu banen bi mi ngi soxal ñi nga xamné dañuy def bac ndax ñom gisunu seen bop ñom tamit dañ doon xaar bi ministre bi addo déggunu ci affaireu bac bi manam ñom ba légui ñi ngi laaj ba xam ñaari session moy am wala ben session moy am légui ci sa wax waxon nga né bac bi ministre de l'enseignement supérieur le wéku kon ñom manam da nañ xaarat ministre bi addu wat wax ci lu leer ba xam ñaari session lay am ak wala ben ak ñan ñoo ci def wa lolu aussi je crois que c'est très clair man mënuma rapporter lu dul li nga xamné mom lañ ma wax officiellement parce que limu bind limu wax ci 4e point bi moy concernant l'examen du baccalauréat le ministre de l'éducation nationale en concertation avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche précisera les modalités de son organisation la réflexion se poursuit te dama len nagn am confiance parce que ñun li ñu jital moy les intérêts des élèves autant ñu am li ci ñu am lolu ci BFM autant nous autres techniciens on veillera à ce que ak luy munti am jital nañ intérêt élève yi et dinañ ko jëlale en compte inshallah wa jërëjëf kon ya ba delu ci wat ñu ñëw ci monsieur Gueye légui yeen ministre bi def na joxé na aduna waxna ay mesure ya waxna ko legui ñom joxna leen digël pour ñu fexé ba loolu ñu dawal ko ci terrain bi yeen ñi nga xamné yeen jité école yi tay ba ngeen jëlé mesure biñu déggé mesure yi ak legui yan djégo ngeen def ak lan moy seen ay jumtukaay ak seen pexé pour ngeen mëna fexé ba le ministre bi wax ñu def ko ba élève yi ngeen yir tamit mëna jang def seen composition ak seen examen ci anam yi mucc waaw ni mom mangi rafetlu liya limu wax ni legui ñun suñu organisation woté nañu demb DMCG DMCG si bopam wax ñu la même chose. Ça veut dire que élève buy def BFM am nga droit à deux sessions. Mën nga def ñaari yoon, mën nga sax def ben yoon bi so amé chance nga dem, so amul chance nga def deuxième bi. Donc lolu leer na pour maintenant élève terminal yi yi def bac ñoñu nañu xaar semaine bi yaakar na ni enseignement supérieur ak enseignement moyen secondaire général dañu réunir ñom ñu daldi léral affaire bi. Légui pour ñun yan djégo mom lañu def, mom lañuy def, yan liggéey lañuy def ba nga xamni xalé yi dañ leen mëna saytu, xalé yi dañ leen mëna saytu si bor yu bari. Bor yu bari moy que école bo ci gis pour suñu école particulièrement comme yenen école yi da ngay jël ben classe gis ben prof yo xamni presque djéxal nañ ak ño xamni mëna ni ben jangal nañ ben wèr. Maintenant ñi nga xamni djéxal nañ pour li dess mën nañu continuer ñew wanté ay devoir lañuy def, ay exercice lañuy def. Maintenant dina am ben waxtu wala ñaari waxtu yo xamni mën nañ ko jox ñi nga xamni jangalé wuñu dara ñoñu mën nañu dem. Pour maintenant moyen yi école am itam moyen yoyu ñu jël ko dal di koy def si xalé yi. Waxuma ni duñ leen di bourré duñu def ay tirage polycope, non je ne dis pas ça. Xalé yi lan la ñun lan lañu gëm école xalé yi c'est une équipe la, équipe bi da fay entraîner pour mu su entraîner wul du dem na def ay couram mais na def des exercices. Déjà ñoo ngi soñ chef d'établissement yi ñu insister sur les exercices. Xalé bi na jël cré dem taxaw au tableau noir def ay exercices exercer wu lepp lu mu war def luñ ko laaj lo xamni mom la war def exercice yi mu dal di koy def. Ñun amna ay tirage yo xamni déjà c'est fait def nañ ko discipline yi gëna xarañ yi gëna jafé lool def nañ ko du ay cours prof yi nak ñoy def seen cours. Légui li nga xamni mo gëna jafé nga xamni c'est comme duñ koy jënd lu bare lay nek waaw suñ ko doon xeyma ci xaaliss lu bare lay nek. Recherche def nañ ko responsable de cellule ay professeur aussi def nañ ko ak ñun ñu dal di koy def jumtu way yoyu ñu jox leen ko su neen ko joxe ñom nak ñu dal di koy jang ñu dal di koy liggey ñu dal di koy exercer. Suma ko mënon wax ci wolof dal moy lenn ku wara def 100 mètres ngay wara daw 100 mètres téméré mètre si 10 secondes fukki simili fo nga def jinné yoon lolou téméré mètre fo nga def téméré mètre bi jinné yoon diko def ay yoon ba nga mën ko def si fukki secondes. Wa legui proviseur yeen japp ngeen yeen jangale kat ngeen ndax lool moy seen liggey yaag ngeen def ay examen yeungut ci yore ay classe yaag ngeen tamit jité ay école fekk ngeen ay crise dund ngeen fi ay jafé yu bari ci walu enseignement. Est ce que tay japp ngeen ne jafé yi limi bari amna ay pexé yo xamné mën ngeen ko def ba li ñu bari di yaakar japp né xalé yi kenn mën leena tagat ba buñ leen naté ñu am ci ñom li ñu bëgg wala dét yeen lan mo ci seen gis yeen pour ñun lu leer la. Da ngay jël ay cas Afrique société Afrique rek amna ay dëkk yo xamni def nañu 5 années blanche juroomi at yo xamni amul jang amna ben dëkk ak ñun ño tak duñu tej école yi fan yi tej nañ ko presque wèr ñong ko ubi demb nga jël benen dëkk suñu bor yi la nek def na année blanche ñaari at. Donc man nan suma ko doon lim Afrique mom année blanche ak sous-développement ño and Afrique même Algérie Afrique du Nord. Donc légui pour lolu man nan ni gis nga école ak crise ño and ma ngi wax chef d'établissement yi c'est la même chose école ak crise ño and. Maintenant chef d'établissement bi dafa wara taxaw simmeku régler la crise dafa wara taxaw régler la crise warna ko meuna régler su ko meuna régler mu laaj liya waaw wo académie wa académie su ko meunu régler même fofu APE yaangi fi association des parents d'élèves ñongi fi donc lolu rek meunu ko régler mom kenn waaw meunu ko régler mom kenn professeur yi fa nek sa école ba c'est la même chose élèves aussi c'est la même chose nañuy wax ak élèves nañu gis nga contact bi avec les élèves su amé rek dañu gis buntu bobu je pense que dañ ko mëna réglé. Jërëjëf, kon daal jàpp nañ ne yéen seen xel dal na ne mun nañ jàng ci condition yoo xam ne dinañ mun a natt xale yi. Ñu dellu si waat rek si doyen mi nga xam ne moom moo jiite AP bu région de Louga. Yéen est ce que seen xel dal na ci addu bi nga xam ne ministre bi addu na ko ak li mu wax ak mesures yi nga xam ne jël na ko ak bi ngeen gisee ak IA nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ŋànk njàngale mi fii, bi ngeen gisee ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite école yi, ngeen waxtaan ak ñoom ak jàngalekat yeeg élèves yi, tey yéen seen xel dal na ci école bi wala déet ci danañ mën a natt def ay examen ak ay composition ba nga xam ne daal li des ci at mi du am jafe-jafe? Jërëjëf Baye Kone, suñ xel dal na bu baax a baax a baax, parce que liñ doon ñaan li nga xam ne moo jafe woon moo di ministre bi wax, te wax ji mu wax dafa leer nàññ. Xanaa kay li ci nekk nga xam ne dafa des tuuti mooy mbiru baccalauréat bi, te mbiru baccalauréat bi itam amul benn problème, parce que li IA Sarr wax mooy privilégier intérêt wu élèves yi. Intérêt wu élèves yi nag mënuloo privilégier ñiy def brevet, bañ a privilégier ñiy def baccalauréat. Dafay loo xam ne nag ñaare ko séq kenn nit ki mun ta waxal ñaar ñëpp. Ña ngay gisee te ci diir bu gàtt danañ trouver solution boo xam ne bii danañ ko rendre public comme ni ñu rendre lii public, te ce sera à la satisfaction de tout le monde. Boo gisee ma woo parent d'élève wu Louga, woo parent d'élève wu Kebemer, ñëpp daal di takku jóg taxaw. Boo gisee Barki Démb dama woo waa Linguère lu ne laa leen wax ba tey jii problème bi rek leen au niveau de Linguère altine daañu koy jàngi. Moo di am yaakaar moo tax, parce que bu ñu am woon yaakaar dañuy dem Dakaro wax ak ñañ war a waxal yoo ko dóor ci table ji, parce que élèves yi noo leen jur te seen njëriñ la ñu bëgg. Comme loolu lépp nag buñ ko noppee c' est parce que danoo am yaakaar bu baax a baax a baax di ñaan la képp kuy waajuru élèv nga jàpp sa loxo doom yóbbu ko mu jàngi te xam ne njàng mi dana baax te ce sera à la satisfaction de tout le monde. Jërëjëf. Waaw sëñ Bamba, ñu dellu si waat rek ci yéen waa COSIDEP, wax nañ seen taxawaay. Kon tey bu ñu gisee lii, ndax yéen tamit yéen ngi doon xalaat sax di am loo xam ne da ngeen koy joxe, maanaam ay proposition tegtal yoo xam ne daal buñ ci doxee njàng bi dina wéy, yéen naka ngeen gisee mesures yi nga xam ne ministre bi jël na ko? Jërëjëf. Mesures yi dañu def lu dul rafetlu ko, parce que mesures yi comme ni ko IA waxee yëpp dafa jëm ci li nga xam ne moo jëm ci intérêt élève bi, te COSIDEP loolu boo ko tax a jóg. Te ñun suñu dañuy yëngatu ci wàllu plaidoyer ak lobbying. Ñun d' accord trouver un terrain d'entente, professeurs yi levé nañ seen moo dordu, dellu nañ ci école yi, am élèves yi ñu ngi dellu ci école yi, mais duñu am foofu, parce que am na comme ni ko IA waxee ak parents d'élèves am na ay poste de résistance. Ñun ba léegi suñu plaidoyer ak suñu lobbying dañuy continuer dem foofu. Tey rek la ma sama responsable national woo ne ma il faut ngeen recenser fépp poche am ngeen def délégation wàcc fa di ma rencontrer les intéressés pour waxtaan ak ñoom. Donc ñun suñu liggéey du jeex mukk, chaque fois que école baa ngi fi ñun suñu liggéey du mos a jeex. Waaw. Jërëjëf. Léon, dégg nga monsieur l' inspecteur ñëwaat na ci sortie ministre bi, leeral na ay poñ. Kon tey yow en tant que élève nan nga jàngate décision yi nga xam ne ministre bi jël na ko yaa leeralaat ko? Bon, damay basé wu rek ci sunu papa monsieur Diop li mu wax. Mënuñoo privilégier ñeen ñi bàyyi ñeen ñi, comme que nee nañ ñiy def BFM may nañ leen ñu def ñaari session, session boo xamante si ni ñëpp a koy bokk defandoo ko. Ñun tamit ñiy def bac buñ mënoon a am loolu dinañu arrangé. Waaw, fi mu ne nii nag ñi ngi xaar décision ministre bi, mais ñi ngi ñaan daal mu bañ a léser kenn, mu jël décision yoo xamante si ni ku nekk di nga ci mën a gis sa bopp. Waaw. Jërëjëf Léon. Xam naa Fatou yow comme grève bi yow la gën a laal, xëy na yow yaay gën a intéressé wu ci décision yi nga xam ne ministre bi jël na ko, naka nga leen jàngatee? Waaw, su ma déggee bu baax li monsieur l' inspecteur de l'IA wax, bu fekkee pour BFM bi ñaari session mooy am, bu première quinzaine août bi ak première quinzaine de novembre bi. Ñun ñuy def bac buñ ko mënee am dina baax, parce que première quinzaine août bi la majeure partie élève lycée Malick Sall yi bi grève bi amee prof yi ñëwuñu woon, mais élèves yi tooguñu woon, ñu ngi woon école. Élèves yu bëri école presque fa lañ dëkk, fa lañuy yendu, gisuñu ko leen jàngal, mais n' empêche que livre yaa ngi fi, ñu ngi exercé wu fuñ toll, élèves yi ñu ngi jàng. Dina am ñu mu arrangé, dina am ñu mu dul arrangé, mais élèves yooyu tamit bu leen arrangé wu deuxième session bi dina baax pour ñoom. Léegi ñun buñ mënee am loolu dinañu arrangé, bëgg nañ ko incha allah. Découpage année scolaire bi aussi naka ngeen ko gisee? découpage année scolaire bi comme ça lu mu wax né vacances dinañ jang ba fin juillet ak ni ñu teurele examen yi mois d'août pour ki bi mois de septembre ñu défal len ay renforcement manam dal li ngeen jangone ñu fexé ba gën ko dëgeural gën ko xotal naka ngeen gisé lool si bima kay dogam di dégg ñun man du waxuma sax c'est pas Fatou Diop qui parle mais li c'est Malick Sall moy wax dañu japoné dañuy jang ba 31 juillet ñu jël fête mois d'août élèves yu bari dañ né rupture bobu baaxul parce que un mois jangoko ñu bari nénañ liñ jangoo dañ koy faté ñi nan dañ tok exercer wu affaire yoy mais dal découpage bobu bu féké né ñaari session dina am arranger nañu bëgg nañ mais bu féké ñaari session mënta am découpage bobu duñu arranger ñu prolonger moñu gëna. D'accord, kon ma delusi wat rek ci monsieur Sar def na né tamit ñi ngi jangat ministre bi neeku fi waye ki nga xamné mo fi togal ministre bi fi ci diwan bi mi ngi fi kon def na lepp li ngeen di wax aussi mën ngeen ko wax mu leer ta xamné tamit dina yegg fa mo ra yegg kon monsieur l'inspecteur wax nañ ko ministre bi yeen jox na len digël defal len feuille de route légui nak mu dess comme nim ko waxo néna len comme ku nek yow yaay toj sa bop janax yen fi ci diwanu Louga naka ngeen meuna defé ay pexé sen plan d'action ba meuna wéyel li nga xamné mom le ministre bi génné. Merci beaucoup. Je crois que intervenant yépp moy parent d'élève moy proviseur collectif des chefs d'établissement parce que dou mako gis comme le proviseur du lycée Malick Sall pour ñeu di défendre les intérêts de Malick Sall mais c'est le président du collectif des chefs d'établissement donc qui parle au nom de l'ensemble des chefs d'établissement moy cosideb moy élève yi ma bête d'ailleurs agréablement ci seni intervention niveau de responsabilité bi ñuy waxé donc da fay woné né solution bi ñun ñëpp ñokoy bokku trouver donc ñun li ñuy jital moy la concertation l'information la sensibilisation ak ñan autorité administrative mënu ñoo dem sans ñom déjà adressé na une correspondance au gouverneur pour wax ko li nga xamné mom la entreprendre la bugue entreprendre yégal ko ko laaj ko aussi mu wax ma lan mo ci mom la ci xelat ak lan la ma ci xelal ci walu wo parce que munu ñu dem sans ñom muy gouverneur muy disons administration territoriale muy aussi autorité décentralisée moy collectivité locale yi nga xamné une bonne partie ci éducation ay compétences transférées muy mairie muy conseil régional muy communauté rurale donc concertation très large premier point bi sax moy bi ni point de départ bi moy bi motax dina la gërëm bu baax sante la ci bi émission parce que ndigal la ñu jox né wax leen ak nit ñi ministre bi wax na mais xejna fi kaddom wara egg yépp eggu fa fexé leen mu egg fa fep fu kaddom wara egg na fa egg bon danañu rencontrer donc tous les acteurs muy société civile boy mën nga ci dougal association de PAM mais c'est les premiers partenaires donc ñom déjà rencontré na len ba paré dañ def coordination avec les inspecteurs départementaux pour que li ñuy def au niveau régional ñom ñu def ko au niveau départemental parce que xam ngeen ne collège yi ci idène yi lañ dépendre école élémentaire yi ci idène yi lañ dépendre collectivité locale yi ëpp yëpp pratiquement ci donc territoire idène yi ci lañ nek danañu def la même chose ak les proviseurs de lycée légui rek mom yakarna poser nga ko ci question école bu nek war nga mëna chef d'établissement bi warna mëna dajalé composante yépp waxtaan ak ñom sur les mesures là yi ñu jël ba paré set naka lañ koy opérationnaliser adapté ko ci seenu contexte. Je crois que demb sauf lycée Malick Sall ak Louga commune defna tous les établissements d'enseignement public bu commune bi pour xam à peu près quelle est la situation fan lañ tollu ci reprise bi lan lañuy envisager def pour que mesures yi ñu mën leena appliquer té luñuy def ñu jital ci ñi nga xamné ñom ño wara am retombé yi moy élève yakarna né li IVS les inspecteurs de vie scolaire di théoriser la centralité de l'élève moment bi moment buñ koy wara mëna appliquer bu baax la lepp luñuy def rek nañ ko ci jital je crois que duñu djum je ferai inshallah l'ensemble des établissements de la région buñu génné ci atelier de supervision de la banque mondiale bi am à Saint-Louis inshallah ma programme et dans ça kuma mëna accompagner bu mu nek une équipe étoffée moy parents d'élèves moy responsable du collectif je sais qu'il a beaucoup de choses à qui ak fu munte yi mu wax ñu kan moko représenter fofu ci zone bobu département bu mu poñu mu doon ñu and ak mom def la tournée waxtaan setat de visite won len ne nous sommes avec eux sama chargé de communication nena ke nama élaborer un plan de communication même suma amul ay moyens yo xamné yi mal il faut mo outiko pour mettre en œuvre ce plan de communication là xam nga lutax deux choses waxna ko ci ndjel ben région bo ñewé djel ko fekk machallah mu toll ben niveau bi soko mën ta yobbu ci ko fexel mu am au moins ci niveau bo ça c'est la première chose la deuxième chose dinañ mo observer parce que ma ngi doon wax matam ne ko awna la ci choono may région bi nga xamne fa le ministre bi dekk tout lolu ça veut dire beaucoup de choses dañ koy interpeller individuellement sur des questions spécifiques à la région donc fuñ luñu vigilant won war nañ ko gëna vigilant donc du syndicat du société civile du élève en tout cas dina dem vers ñep pour vulgariser dina def tout pour que ñep adhérer parce que aussi li mëna tax ñu am résultat moy ñep adhérer ci ni bu amé ay doute rek peut-être liñ ci seuntu duñ ko mëna lool dal buñu paré nak teunk ko li nga xamné moy résultat suñu investigation yépp ci ben élément bo xamné dañ koy jëbël l'autorité administrative mu convoquer CRD wala ay CDD au niveau des départements bu féké na amna yeneen mesure ñuy jël ñu jël ko mu engager toute la région en tout cas dal lool la entreprendre une longue campagne de sensibilisation des tournées d'information etc etc mais duma ci limay wax dal moy képp ko xamné mën nga ma ci amal ndëriñ rek je suis à l'écoute lolu lerno monsieur l'inspecteur tay waxtan wi mi ngi soxal mbiru njang mi xeyna amna ñenn ci acteurs yi ñu njang mi concerne ño xamne tay téwuñu fi muy jangale kat yi di syndicaliste yi ñom tamit bëggon na xam fo tollu ci sa diso ak ñom ndam tay xeyna yëkëti nañ seen modor delu wat ci classe yi waye ñom tamit ay acteurs lañ yo xamne comme niñ ko waxe legi fim toll ni ñepp dañu wara lekkelo boole seen doole xatchando dorondo ñoñu fan nga toll ak ñom est ce que yaangi gisee ak ñom di diso ak ñom ci partager le ministre bi wax ak yi nga xamne nan ngeen ko taxawal comme ay pexé comme nima la waxe rek plan d'action bi bayiwul kenn il est vrai que rencontrer guma syndicat yi parents d'élèves yi ñom la ñëk rencontrer syndicat d'enseignants yi m'aurait appris que amna des syndicalistes qui étaient là fait que j'étais en train de faire un rapport et des correspondances j'avais dit à la secrétaire là tejuna ba bamay paré mën na am peut-être dañ leen informer de ça parce que après lañ ma wax né ñow biñ ñëwé dañ né yow lañ soxla won mais encore une fois dès lundi dina leen o pour ñu bokk diso parce que quand même on a très bon rapport avec les syndicats d'enseignement. On a de très bons rapports, ça veut dire quoi? Que en tout cas, sur toutes les crises, dañuy bokk wax. Sur toutes les questions, dañuy bokk diso. Donc, diso bobu mom, fi ñu tollu ni, mënul delu ginaaw. Parce que, gis nañ ni ci biir crise bi, ben, amna ay régions yo xamné, les syndicats, au niveau régional, avaient pris des décisions par rapport aux décisions qui venaient du niveau central. Yo xamné souvent c'était contraire lolou nak lan mo koy may moy peut-être ñu and diso ba comme j'ai dit ñu adhérer ci li nga xamné mom lañuy def Louga nak la chance, encore une fois, la chance qu'on a, moi, les professeurs, élèves, j'appuie les rex pratiquement comme élèves. Dañ leen japp comme ay dom ay jarbat ay rak donc lu ñuy def ci ñom seen bop lañ koy defal lool la gis en tout cas lool la fi gis dans cette région là de sorte que donc avec les syndicats buñu xaar sax mo ol xam nañ lool néna leen buñ formaliser wu heure buñ mo oyé lu ma fekkon may def bayina ko priorité pour ñun. Donc ñom cible prioritaire comme j'ai dit dina tassé syndicat dina tassé chef d'établissement yi tassé na ak parents d'élèves au niveau régional na tassé inspecteur départemental yi etc dina dem vers l'administration recueillir aussi ces informations jox leen information yi war bolé ci nak di def compte rendu de manière régulière à l'autorité ça aussi mën na ko wax ba grève bi tambalé ba légui mën na né bokku nañ ci région yi nga xamné chaque jour avant 13h joxé nañ la situation de la région chaque jour je reçois des chefs d'établissement c'est une occasion pour me remercier len chaque jour avant midi chef d'établissement yi jox ma la situation qui règne dans leur établissement. Donc, lolu mënon na tax ma am une vue d'ensemble, n'est-ce pas, du développement de la situation dans la région. Lolu encore une fois me gërëm leen ci. Jërëjëf IA, kon ku nekk ñu jox la benn simili nga lancer appel bala ñoo jox IA mu def benn teunk ci Nasaraan. Kon légui proviseur yo monsieur Guey yo mu fi togal chef d'établissement yi ban appel ngay lancer mu jëm ci sa mbokk yi nga xamné yena bokk di jité ay école jëm ci professeur yi jëm ci ñi nga xamné tamit ñoy élèves yi ak parents d'élèves waaw je dirais au chef d'établissement que une crise soko gissé da fay monter di wacc si wacce aussi ça ne veut pas dire que crise bi wacce na que jehna donc il faut qu'il soit très vigilant et qu'il aille encore au front de la vigilance toujours de la vigilance jusqu'à la fin de cette année scolaire voilà élèves sa élèves yi lan ngeen len di jox comme yobal lan ngeen len di yabé élèves yi mom je pense que suñu déggalé nañu déggal élèves dal sen chance mi ngi ci ñu déggal ñu té ñu top suñu conseil ñu pratiquer ga nañu def des exercices dal je crois que élèves yi lima leen di wax mom buñu teud buñu nelaw buñu nañu jël sen cahier nañu jang nañu def des exercices le bac le ministre l'a dit c'est une volonté politiquement c'est une volonté politique et puis c'est très clair donc élèves yi nañu jang et nañu def des exercices particulièrement jërëjëf doyen Tierno yow tamit lan ngay yabé xalé yi comme yobal ñom jàngalé kat yi ak ñi nga xamné ñoo jité école yi ak kilifa gi gërëm inspecteur académie gërëm le chef du collectif le président du collectif des chefs d'établissement waye gërëm particulièrement élèves yi ma tal ci aussi élèves lycée Malick Sall parce que dañoo tok mal ak proviseur recevoir le bureau proviseur ñu wax ak ñom booba ñom ñep dañuy def année blanche dañuy grève ñuy wax ak ñom di wax ak ñom ba biñu bayé ñom ñoo genn ci buntu école bi di conscientiser seen morom yi ba légui la reprise est totale may wax na lolu élève lycée Malick Sall def élève Sénégal yépp ko wara def particulièrement nak élève région Louga na élève yi na parents d'élève yi juk xamné jang dom moy seen njariñ leen du seen njariñ na ci ñepp taxaw may profiter ci occasion bi di gërëm wa Kessems dañ na ñom ben yoon ñaari yoon dama leen waxone bu ngeen lewé seen modor de grève te kenn dooyu ko ci Sénégal ñun ñoy nekk seen bateau de pèlerin ñoy taxaw devant les autorités défendre leen ngeen tok sax mais vaut mieux tard que jamais nañu gor gor lu xamne doomi ni leen jël lañ leen juré nañu taxaw japp taxaw ne buñu jappé ñun dañu leen jappalé loolu la ci amul wax merci jërëjëf sëñ Bamba ku ci dépp yéen tamit lan ngeen di yabe lan moo nar a nekk seen taxawaay ndax IA tamit lancé na leen appel tàllal leen loxo na lan moo nar a nekk seen taxawaay ngir jàppale ko ba njàng mi mën a wéy mucc ayib fii ci diwaan bi loolu moom incha allah dañ koy jox dèjà feu vert na ko ñun lépp lu mu nekk ñu ngi ci tey ñu ngi ci ëllëg di ko remercier bu baax parce que ñun suñ partenariat ak moom commencé wul tey comme ni mu ko waxee syndicat noonu lañ ko wax def nañu sama téléphone portable la ñu jox buntam ub tëjwul chaque fois heure bu ñu ko soxlaan nañ fi ñëw récemment bi ñu dem Linguère am mission moo ñu jox voiture autom jox ñu chauffeur ñu dem Linguère def suñ mission ñëwaat donc tey su wootee loo xam ne ne ñëpp ñoo ko intérêt ñëpp la moom dañ ko ci jàppale bu baax a baax a baax comme ni mu ko waxee nag nañ ko def une approche holistique ku ci nekk na ko def mbiru boppam muy parent d'élève bi nañ ko gëm def ko su mbiru boppam élève bi na gëm seen bopp également def mbir mi seen mbir syndicat yi même chose nañ def mbir mi seen mbir ñu xam ne li ñu tax a jóg ñun ñëpp mooy intérêt élève yi intérêt Sénégal te Sénégal ak réew moo gis àdduna njàng moo ko yor bu ñu nasaxal suñu njàng nañu góorgóorlu tey suñu njàng ak suñu école ak suñu fukki loxo ak juróom. Jërëjëf Léon kon lan ngay tàggatoo. waaw may dellu di ñaaxaat élèves yi rek di leen wax ni comme que ñun ñoo nekkoon ci mbedd yi di yuuxu fu ne ñu taxaw fa di woote wallu naan kaa leen jàng si te professeurs yi dellu tin nañ ci classe yi ne dañuy jàngal kon bokk nan leen dem wuy ji gannaaw ñoo doon woote léegi wuy si nañ ñu ñun kon bu ñu wuy si bu ñu wuy jiwul ci appel boobu day mel ne ñun li ñu doon woote dëgguwul ci ñun kon nag may ñaax élèves yi ñu dellu ci classe yi waaye di dellu di remercier sunu professeur nouveau lycée yi pour seen expertise ak seen rigueur nga xamante si ni ñoom dara du seen credo lu dul ñu hissé sunu établissement au rang desquels siège les meilleurs de tout le Sénégal maa ngi leen di remercier bu baax. Ndey Fatou yow lan ngay tàggatoo. Li may njëkk a wax moo di ko waa office du BAC ñun ñoo ngi leen di xaar ba tey. Concernant suñu examen suñu date examen yi parce que kat amal nañu importance te intéressé nañu ñu ngi leen di xaar deux sessions yi nag buñ ko mënee am ba tey rek moo ñu gënal bu loolu jàllee maa ngi wax élèves yi rek comme ni ko ñëpp waxee ñu dellu si jàng bu fekkee ne am na ñu des ñu ñëwaat ñu def le tour comme d' habitude lu ko bokkaat ci meilleur am meilleur résultat yi au niveau national à part ça maa ngi remercier ñëpp di leen remercier ci émission bi di wax sama professeur lycée Malick Sall yi ñoom tamit comme d' habitude rek niñ ko daan defee xanaa gën leen ñaax rek gën leen a wax ni ñu def le tout ba programme yi jeex programme dina jeex de mais fu heure libre am ñu jël ko prof bu jeexal programme mu jël heure am ñu def le tout ba jeexal programme bi merci beaucoup. Jërëjëf monsieur l' inspecteur émission bi baaxoon nañ di ko def ci wolof di ko def ci tubaab ndax comme ba nga koy ba ñu koy jox da nga bëggoon rek muy dam di wasaaroo di dem si nit ñëpp dafa am loo xam ne waxtaan yoo xam ne yu mel ni soxal ñëpp ñu wax ko ci wolof bi nga xam ne moom la ñëpp nàmp daf doon gën a jàppani ngir message bi mën a jàll waaye du tee tamit ñu bëgg rek ñëw nga defal ñu benn tënk ci nasaraan donc monsieur l' inspecteur cette année a été particulière marqué par une crise sans précédent au niveau de l'enseignement aussi bien supérieur que national. Et, mais enfin, il y a eu de l'espoir, les cours ont repris, le ministre a fait une sortie et a fait aussi a sorti une note de service. Nous voulons que vous nous fassiez très rapidement l'économie de cette note et nous commenter les dispositions qui ont été prises. Très bien, mais si vous le permettez, est-ce que je peux conclure en wolof? d'accord waaw dina laaj aussi ma leeral ne am na yeneen instruction yoo xam ne toujours mu ngi ci lettre circulaire bi instruction yooyu mooy ñaar yu ci am solo xam nga dañu naan jàngaleem nawet dafay jafe parce que ñu bari ci ay abri provisoire lañ nekk wala école yi dafay senn wala kii ministre bi jox nañu ndigal que ñu def étude situation yi mun a présenté wu yépp def li ñuy tuddee mutualisation n' est ce pas des infrastructures maanaam su fekkente ni lycée Malick Sall je donne un exemple dafa am luy senn à côté am na benn école élémentaire boo xam ne bii par exemple amul problème boobu cours yañ fa war a def nañ ko transféré foofu defe ko de sorte que kenn du mëna am ben alibi ci né situation bi moma téré jangi wala moma téré jangalé benen ki bi moy sécuriser école yi lolu ay instruction précise la déjà ci suñu réunion vendredi beulé lañu waxone né yonné len ñu liste établissement à problème yi ngeen xélat pour que ñu jël ay disposition pour mëna sécuriser école yi. Ça veut dire donc que ça n'existe pas dans la région pour le moment, mais si toutefois cela devait arriver, Kubuga Jang dinañ la ar. Et vraiment je me félicite de l'esprit de responsabilité des élèves. Je le dis parce que ben jour dañu def procession def ñew ci gouvernance yor ay pneu ñew ba djup buntu gouvernance fekk chef de service yépp ngi won fofu. Toutes les gendarmeries yu région bi ñu ngi fi won, les brigades ba leen gisé ñu mané ñi déssé les élèves du lycée Malick Sall. J'ai pris ma jël suma courage à deux mains ñeu dugg ci seen biir ne len lu xew ñu expliquer la situation ma leen wax ngeen deug mais mën ngeen ko manifester nenen bu leen fa féké ma leen xam ngeen li gëna bon li olof di wax mu jé pousse bi mu rër seen lycée c'est un lycée d'excellence lycée la bo xamné bi liñ ko xamé moy élève yi ñu jup lañ duñu yaq duñu tékoné buñu nekké ki grève etc etc seeni prédécesseur de lool lañ doon def gëwma né yeen di ngeen leen gëna yees su fekkenté ni da ngeen bëggu ñu xam situation bi ngeen nekké parce que bëgg jang lañ doon wax autorité yaangi fi man nañ ci égg ak yeen mais li ngeen di def jaruk ya lañ ko bayyi continuer dem seen yoon tranquillement. Donc ñooñu vraiment suma wax né les élèves sont responsables hein à l'image de l'ensemble des élèves de la région c'est la même chose donc dinañ leen gëreum di leen sante di wax né dal li ñun ñëpp ñoko wara bok pour mëna réussir. Wax nako ku sañoon sa dooma lay gën enseignant itam titeur moy lan tassek soxna si suba mu nek cadre bu mag mané ki dé fi mu égg ni contribuer na ci aw mu luddul lolu bu la lolu doyut ci enseignement rek jarum nga di ci dugg et je crois que lolu mo animer ñepp. En tout cas ñu ngi talal loxo ñepp hein dinañ xar suñu tank tuwe pour que véritablement région bi ci situation bi tollu fam doon toll. Maintenant pour en revenir à votre question pour lolu tamit man mi di la talal micro ma ya ma formé donc pour en revenir à votre question donc nous nous félicitons véritablement qu'il y ait eu ce dénouement heureux et cet appel fort du ministre pour pratiquement sortir le doute de tous les esprits en prononçant que l'année ne sera pas blanche. Mais l'année ne sera pas blanche dans la situation actuelle appelle des mesures d'accompagnement. C'est pourquoi il y a 8 mesures au moins qui accompagnent cela et croyez-moi, c'est des techniciens avérés et avertis qui ont produit cette réflexion-là, largement partagée avec toutes les composantes, n'est-ce pas, de l'école sénégalaise. Il s'agit, je le répète très rapidement, de poursuivre les enseignements apprentissage jusqu'en fin juillet, de décaler d'une semaine la tenue du CFE. Il s'agit du BFM en deux sessions, une première session au mois de dans la première quinzaine du mois d'août et une deuxième session dans la première quinzaine du mois de novembre. Les deux sessions, je le précise, sont ouvertes à l'ensemble des élèves. Il s'agit aussi, pour le baccalauréat, de poursuivre la concertation avec le ministère de l'Enseignement supérieur en mettant, là je le précise, en avant l'intérêt des élèves. Tout de suite, d'ailleurs il y a eu une réaction hein, des élèves par rapport à cette question-là qu'il faudra prendre en compte. Il s'agit enfin des évaluations, peut-être sommatives, c'est le texte qui le dit, hein, contrôle continu ou composition pour les livrets des élèves des classes d'examen, mais aussi pour permettre le passage. Et ça, c'est selon les situations de chaque établissement. Il s'agit du mois d'août qui sera consacré aux vacances. Il s'agit du mois de septembre qui sera un mois de renforcement et de consolidation, hein, pour tous ceux qui sont dans une situation de perturbation assez importante. Il s'agit enfin de la rentrée à date échue, début d'octobre, avec comme tâche principale les orientations dans les classes de 6e, de 3e, n'est-ce pas, le désherbage des écoles, le nettoyage de l'ensemble des établissements, mais aussi les inscriptions et le début des cours. Il s'agira aussi du mois de novembre, dans sa première quinzaine, consacrée aux examens. Alors, tout cela doit faire l'adhésion de l'ensemble de la communauté éducative pour donner des résultats probants. C'est pourquoi nous avons été instruits, nous autres inspecteurs d'académie, de traduire cela dans la réalité au niveau de nos régions respectives. Et c'est ce qui explique véritablement qu'il y ait un plan d'action mis en œuvre par ou élaboré par l'inspection d'académie, hein, et lequel plan d'action gravite essentiellement autour d'une approche participative incluant l'ensemble des parties prenantes, qu'ils soient des acteurs, qu'ils soient des partenaires, avec bien sûr l'appui de l'administration territoriale, avec l'appui des collectivités locales. J'ose espérer que la région de Louga, comme chaque année, sera présente au rendez-vous, n'est-ce pas, du succès, en se classant parmi les meilleures régions. Mais pour cela, il faut vraiment un sursaut, n'est-ce pas, à faire de la part de tout le monde. Nos félicitations à l'ensemble des élèves de la région à travers vraiment la pertinence des interventions de ceux qui les représentent ici. Encore une fois, nous tendons la main aux parents d'élèves parce qu'ils sont incontournables, aux chefs d'établissement que nous invitons à mener des réflexions profondes pour s'adapter au contexte de leur établissement et revoir au besoin, n'est-ce pas, les emplois du temps pour essayer véritablement d'avoir une approche harmonisée, n'est-ce pas, des enseignements-apprentissages et permettre véritablement, au terme de cette année, aux élèves en classe d'examen d'être très bien armés pour affronter l'examen, mais aux autres aussi d'avoir l'essentiel de leur programme pour pouvoir continuer avec succès leurs études. Voilà l'appel que je voulais lancer à tout le monde. Nous restons ouverts. Nous avons élaboré un plan de communication. Nous restons ouverts et certainement la mise en œuvre de ce plan de communication va permettre encore une fois de revenir sur un certain nombre d'autres questions. Je vous remercie. Jerejef, kon mbokk auditeurs yi ñu doon suivre ci Walfajri ci sen émission au cœur de l'éducation. Tay ñi ngi amone mbecté doon dalal monsieur Lamine Sarr bi nga xamné mom moy inspecteur d'académie de la région de Louga ak monsieur Makod Gueye di coordonnateur des chefs d'établissement du Sénégal, monsieur Tierno Diop mi nga xamné mo jité APE bu région de Louga, Fatou Diop élève TL2 au lycée Malick Sall, Léon Mané élève TL2 nouveau lycée de Louga ak Bamba Fall mi nga xamné mom mo fi togal ko ci deb, ñu doon waxtane ci crise bi nga xamne mom mo amone ci mbirum jang mi ak safara yi ci am ba nga xamne jang mi dorat na, ñu leen di jox dig dajé benen yoon. Jerejeuf, merci.